Moon Jae-in, ex-représentant du Parti démocrate de Wollong, a accordé une conférence de presse le 17 à Incheon pour condamner le parti au pouvoir s'affairant à la campagne absurde autour de la dépendance du Nord, apprend-on de la radio MBC. Par ailleurs, le journal sud-coréen Kyungjang Shimun en date du 19 a fait paraître un éditorial titré que le pouvoir de Park Geun-hye s'excuse avant tout de la campagne sur la ligne limitrophe Nord.